fan de chansons françaises de tous les temps et tous les autres, bonjour. Vous êtes bien sur Radio Pelgette Nancy 94.2. Yves est à la technique, en compagnie de Orlando, Daniel en votre compagnie, avec Dominique et Serge. Bonjour Dominique. Bonjour Daniel, bonjour Serge. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Serge. Et puis, pour vous présenter aujourd'hui la cerise sur le canto numéro 37, un panorama de chansons françaises d'aujourd'hui, d'hier, d'avant-hier et même des tubes de demain. L'humeur du jour, Dominique. Écoute, mis à part, on a gratté ce matin. Oui. Ça va bien. Hein. Qu'est-ce que t'as gratté? Le pare-brise et puis le dos de la Lily. Le dos de la chienne. C'est... Ah, d'accord. C'est la chienne. Ah, oui, tu nous as fait peur. Là. Mais oui, mais c'était bien fait. C'était fait pour. On aurait pu penser ta vieille grand-mère ou. Je sais pas, non. L'humour du jour, Serge. Alors, froid de l'extérieur, chaud de l'intérieur. D'accord. J'ai eu la pêche, ouais. Ouais. Quelle bête. Ouais. Quelle... Absolument. Ben, moi, pour moi, l'humeur du jour, c'est bon aussi. C'est bon. Meilleur ouais. médicament, c'est Radio Pelgette. Moi, ça fait un an et demi que je suis là et j'ai rencontré que des gens très sympathiques. Alors, tout va bien. Et puis, un jury neutre qui classe les titres de chaque émission. Donc, résultat de la cerise sur le canto numéro 36, c'était la dernière que l'on a passée. Alors, tout d'abord, la médaille de bronze. La médaille de bronze, eh bien, c'est Henri Salvador qui la récolte avec Faut rigoler. On l'écoute tout de suite. Nos ancêtres, les Gaulois, cheveux blonds et tête de bois, longue moustache et gros dada, ne connaissaient que ce refrain-là. Nos ancêtres, les Gaulois, habitaient des huttes en bois, et les druides, trois par trois, sous le gui chantaient à pleine voix. Nos ancêtres, les Gaulois, prirent la pile à Alésia. Les barbares étaient là, mais tant pis pour eux, dire les Gaulois. Nos ancêtres, les Gaulois, inventèrent le tabac. Et c'est grâce à ce truc-là qu'ils se fendaient la pipe à tout de bois. Nos ancêtres, les Gaulois, eurent le tort d'être grand-papa. Et c'est pour ça qu'on est là et qu'on a fait le tcha-tcha gaulois. Ha ha ha!

il y a le droit de me faire il est bon et peu d'accord. Moi je le trouve plein de grâce, Ignace, Ignace. Je ne m'en crois pas, mais il me place. Ignace, c'est un nom charmant. Allez, on fait un bond à la période actuelle, repéré lors de la saison 5 de The Voice. Johan, Florentin et Jérôme enchaînent avec Petit à Petit, un single festif. Guitare et mélodie ensoleillée sont au programme de ce titre, où le groupe s'adresse à l'enfant en lui conseillant de croire en ses rêves, Petit à Petit, Arcadion. C'est qu'un mioche, un môme de trop, rien qu'un gosse parmi des milliers de fous. Il est pas moche, non pas non plus beau, pas facile de faire son nid, son trou. Haut comme trois pommes, demi-homme, cherche un cœur gros comme un soleil, un petit peu d'amour en somme. Pour lui dire à l'oreille, petit tu verras si tu crois en toi, petit à petit, petit tu verras, tu grandiras, petit tu verras si tu crois en toi, petit à petit, petit tu verras, tu t'aimeras, petit tu sais si souvent les mots résonnent bien plus fort que les coups, il n'est jamais en secret au gosse de l'époque que j'étais, qui voulait tout d'un air pressé mais sans jamais s'aimer assez. Oh, petit tu verras si tu crois en toi, petit à petit, petit tu verras, tu grandiras, petit tu verras si tu crois en toi, petit à petit, petit tu verras, tu t'aimeras. De Jean Noin et une musique de Mireille, une demoiselle sur une balançoire se balançait à la fête un dimanche. Elle était belle et l'on pouvait voir ses jambes blanches sous son jupon noir. C'est une chanson de 1950, La demoiselle sur une balançoire, Yves Montand. Une demoiselle sur une balançoire se balançait à la fête un dimanche. Elle était belle et l'on pouvait voir ses jambes blanches sous son jupon noir. Le marchand lui criait, voulez-vous vous asseoir? Descendez, descendez, c'est assez pour ce soir. Si vous restez debout, vous allez vous casser le cou. Mais la demoiselle sur la balançoire riait, riait et montait de plus belle. Elle était belle et l'on pouvait croire qu'elle s'envolait pour toujours dans le ciel. Mais c'était défendu, elle est redescendue. Quand elle est descendue, moi j'étais tout ému. Je lui ai dit, mademoiselle, j'ai cru que vous aviez des ailes. On est allé au tir, au chevaux de bois, au nougat, au cirque à la femme tronc. Mais ça ne l'amusait pas. Elle m'a dit, je vous remercie, je préfère retourner là-bas. Et voilà qu'elle m'a laissé pour aller se balancer. Une demoiselle sur une balançoire se balançait à la fête un dimanche. Elle est était belle et l'on pouvait voir ses jambes blanches sous son jupon noir. Quand elle est descendue, toujours aussi émue, je lui ai proposé, voulez-vous m'épouser? À la mairie du 12e, j'ai dit oui. Elle de même, je l'ai prise par le nez, par le cou, par le bras, je l'avais tout contre moi. Mais ça ne l'amusait pas. Elle m'a dit, je vous remercie, je préfère retourner là-bas. Et voilà qu'elle m'a laissé pour aller se balancer. Au revoir. Demoiselle. Allez, on fait un bond de 12 ans en avant. On se retrouve en 1962 et le concours Eurovision de la chanson était alors organisé au Luxembourg. C'était la 7e participation de la France. Et la RTF avait sélectionné Isabelle Aubray pour représenter la France avec la chanson « Un premier amour ». Des paroles de Roland Valade sur une composition de Claude Henri Vic avec Franck Pourcel comme chef d'orchestre. Et 16 pays étaient engagés. Et qui a gagné ? La France ! Ouais, c'est la France ! Ouais. Bravo, bravo, bravo Isabelle Aubray et Cocorico pour cette 3e victoire de la France. Et d'ailleurs, on l'écoute, un premier amour, Isabelle Aubray. Un premier amour. Ne s'oublie jamais, s'oublie jamais, s'oublie jamais. Un premier amour, on le cherche toujours. Dans d'autres amours, toute sa vie, on court après. Il nous a troublés, fait rêver, fait trembler. Ce premier amour, premier amour, premier amour. Mais l'enfant qu'on est resté, frémira toujours au souvenir de cet amour. Et toi que j'aimais, qu'as-tu fait de toi? Qu'as-tu fait sans moi? Et moi, s'oublie jamais qu'un premier amour, on le cherche toujours.

Pas pratique. Ben, c'était surtout plus possible. Un titre différent. Georgius, les frères siamois. De l'histoire des frères siamois. C'est à la saison des petits pois que naquirent les frères siamois. Leur cas étant vraiment unique, défraya longtemps la chronique. Une membrane sur le côté les reliait pour l'éternité. Ils étaient encore des enfants quand commencèrent les incidents. Les deux frères siamois, à 10 ans et 6 mois, eurent des goûts contraires, ne purent s'en défaire. L'un préférait les sports, les coups durs, les efforts. L'autre aimait la lecture, le calme et la nature. Quand il lisait Bossuet, l'autre courait, boxait, et bousculant son frère, il le foutait par terre. Voilà, voilà pourquoi les deux frères siamois, liés pour l'éternité, ne faisaient que se détester. Oh, la la la la la la, d'aller faire les siamois. Le drame prit de l'acuité, d'abord aux heures du déjeuner. L'un goûtait les choses délicates, l'autre la choucroute, les patates. L'un buvait de l'eau et jamais de vin, l'autre 2 litres de gros rouquin. L'un s'essuyait délicatement, l'autre crachait entre ses dents. Les deux frères siamois, à 20 ans et 6 mois, firent de la politique. Ce fut catastrophique, le gauche était droitier, le droit était gaucher. L'un travaillait les poules et l'autre de la cagoule. Quand l'un d'eux serrait le poing, l'autre levait la main. Alors sur leur membrane, ils se foutaient des coups de canne. Voilà, voilà pourquoi les deux frères siamois, ne pouvant se désunir, ne pouvaient plus sentir. Oh, la la la la la la la, la la la la. Un beau jour le drame éclata pour d'autres raisons que voilà. L'un des deux était un vrai mâle, l'autre un efféminé très pâle. Le premier voulut épouser une modiste du quartier, l'autre n'aimait que la société, des petits marins et des pompiers. Les deux frères siamois, à 30 ans et 6 mois, se firent les pires menaces. Un beau jour face à face, dans ce mouvement que voilà, la membrane éclata. L'un trépassa tout de suite, l'autre expira bien vite. C'est la seule fois ça alors qu'ils tombent d'accord. Ils eurent de belles obsèques, même que monsieur l'évêque fit un discours ému, exaltant leurs vertus, les donnant comme modèle de l'amour fraternel. Amen. Oh, la chirurgie a depuis considérablement évolué. N'est-ce pas, Serge ? Ah bah merci, merci Dominique. Bon, moi j'étais seul dans l'œuf. Bon, peut-être d'autres choses, mais bon, j'étais pas si à moi. Non, mais moi j'aime bien ton nez. Dommage qu'ils l'ont mis à la place des yeux. Ah, puis t'as pas vu le reste. voilà. Tout à l'heure. Voilà. On parvient dans de nombreux cas à séparer les frères et les sœurs siamoises. Et d'ailleurs, une opération a été tentée récemment à Lyon sur 2 sœurs siamoises camerounaises. Tous nos voeux de réussite l'accompagnent, bien entendu. Très prolifique ces derniers temps, Clara Luciani enchaîne avec un nouveau single extrait de son premier album « Sainte Victoire ». Avec « Nu », la chanteuse nous fait vivre avec une touche d'humour sa vie hors des projecteurs. Clara Luciani, « Nu ». Je rêve, pense-moi pour voir. J'avoue, j'ai du mal à le croire. C'est moi qui chante ce soir. Est-ce que c'est moi qui, vraiment moi qui chantais? Suis-je plus laide ou plus belle que sur la photo de mon disque orange? Suis-je seulement celle, celle dont j'ai l'air? Souvent je change. Je viens nu vers toi. Oh, oh, oh, t'es le rose chanson de 1952. Elle n'a jamais cherché un petit cœur à aimer. Elle n'a choisi que des ballots au cœur d'artichaut. À jouer de la prunelle de Passy à Grenelle, on perd son temps et ses 20 ans. Elle a roulé sa bosse, elle a roulé carrosse. Elle a plumé plus d'un pigeon. Et vous l'avez sans doute reconnu, c'est la Marie Vison, Félix Martin. Elle a roulé sa bosse, elle a roulé carrosse. Elle a plumé plus d'un pigeon, la Marie Vison. Du côté de la chapelle, c'est comme ça qu'on l'appelle. Même en été, elle a sur le dos son sacré manteau. Il est bouffé au mythe. Et quand elle a la cuite, elle ne peut pas s'empêcher de raconter que la vie était belle, qu'elle portait des dentelles. Et tous les hommes, oui, tous les hommes étaient fous d'elle. Elle a roulé sa bosse, elle a roulé carrosse. Elle a plumé plus d'un pigeon, la Marie Vison. Mais un soir ce fut plus fort qu'elle, la v'là qui s'est mise à pleurer. Et son secret trop lourd pour elle, dans un bistrot me l'a confié. Elle n'a jamais cherché un petit cœur à aimer. Elle n'a choisi que des ballots au cœur d'artichaut. À jouer de la prunelle de Passy à Grenelle, on perd son temps et ses 20 ans, v'là qu'il fiche le camp pour ce sacré manteau qu'elle voulait sur son dos. Elle a foutu au clou ses rêves de gosse et ce sacré manteau qu'elle a toujours sur le dos. Ça l'a mené à la chapelle dans mon quartier. Elle a roulé sa bosse, elle a roulé carrosse. Elle a plumé plus d'un pigeon, la Marie Vison. Vous les jouvencelles, ne faites pas comme elle. S'aimer d'amour, c'est ça qui est bon, sacré nom de nom. Alors dans ce qui suit, à présent, un gosse. Un gosse qui est plus près de la rémunération de son aide que des mathématiques. Jugez-en plutôt, l'enfant aujourd'hui s'appelle Daniel. Allons bon. Prenez la calculette. 3 francs pour faire son lit toute la semaine. 1 franc pour être allé aux commissions. 1 franc 25 pour avoir surveillé le bébé pendant que toi t'étais en commission. 0 franc 75 pour avoir descendu la corbeille à papier. 1 franc 10, ah ben oui, il faut le monter, pour avoir remonté la corbeille à papier. Et 0 franc 25 pour avoir arrosé les fleurs. Vous avez fait le total ? Oui, moi j'y suis pas, hein. C'est pas du tout ça. Hein. J'essaye depuis que tu me l'as dit de faire le total, 9 francs 35, et puis quoi encore ? Cancre en mathématiques ou arnaqueur, c'est une très belle chanson que l'on écoute, une très belle chanson de Marie Laforêt, cadeau. Hier soir dans la cuisine, je préparais le dîner. Quand mon petit garçon est entré, il m'a tendu un morceau de papier griffonné. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier, je l'ai lu, et voici ce qu'il disait. Pour avoir fait mon lit toute la semaine, 3 francs. Pour avoir été aux commissions, 1 franc. Pour avoir surveillé le bébé pendant que toi tu es allé aux commissions, 1 franc 25. Pour avoir descendu la corbeille à papier, 75 centimes. Pour avoir remonté la corbeille à papier, 1 franc et 10 centimes.

dans son chauffe-eau. Je me dis parfois de façon il est trop tard. Que sommes-nous face à l'euro, le dollar? Un bout de charbon dans une marée noire. Une tumeur qui ne crée que des cauchemars. Puis je me concentre sur ce que je veux donner. Une énergie commune qui peut rassembler. Je m'apprêtais à contacter le SAV. Mais le numéro est dévié sur ma ligne. Dites-moi, Dominique, dites-moi, Serge. Oui. Oui. Ça y est, vous avez monté une émission tous les deux ? Oui. On s'est lancé. Ouais. On a commencé avec Mylène Farmer, puisque ça s'appelle Coup de cœur. Et on s'attarde un peu plus particulièrement dans chaque émission à une artiste, un artiste, et plus particulièrement un album également. Mais voilà. Un live. Un live. Des coups de cœur personnels, perso. Ouais. C'est un concentré de musique finalement. Hein. Bon, alors il faut que ça se mette en place. Ouais. C'est diffusé le jeudi, pas ouais. tous les jeudis. Pas tous les jeudis pour le moment. Le et jeudi de quelle heure à quelle heure ? De 17 à 18. À 18, ouais. Et le prochain numéro, on écoutera plus particulièrement Pascal Obispo. Voilà, et c'est ainsi que s'achève, les amis, la cerise sur le canton numéro 37. Consacré à la chanson française de tous les temps. Merci à Yves, merci Orlando pour la réalisation technique et merci à vous les auditeurs de nous avoir écoutés. Vous retrouverez bien sûr le podcast de cette émission en vous rendant sur le site de Radio Fadjet Nancy et la liste des chansons se trouve sur la page Facebook de l'émission. Et quoi dire à part ça, la prochaine cerise sur le canto, c'est dans 15 jours. Mais dimanche prochain, nous vous espérons nombreux et fidèles à Patchwork, à l'écoute des musiques du monde. En attendant, soyez heureux et branchez sur Radio Fadjet Nancy 94.2, ça c'est pour les Lorrains, et sur le net radiofadjet.net pour les autres Européens. Allez, nous vous laissons en compagnie de Thierry pour son émission Discothèque Classique. Au revoir. Au revoir. Salut à tous.